Barack. Ah. Alors c'est poème là. Ouais, on se regarde quand. Pour Titi. Depuis le temps que je l'attendais, je n'osais plus y espérer. Sa minceur et sa longueur me fait vibrer. Sa couleur, elle évoluait, puis la voilà totalement émergée. Vous avez sûrement deviné de qui je voulais parler. C'est de la merde que l'on vient de chier. Dédicace pour Tilem. Fais-moi ta garde cantine, n'est pas ton nom commun. C'est pour ça que je vais à l'école, pas grave les rêves folles. Lâche pas. Fais la dalle. Lâche pas. Ajoutez-moi de la plus rêve et plus sans SVP. SVP. J'ai faim. Le dessert je le prendrai après. D'abord j'ai du rap de nouilles et de la ratatouille. Damn, j'ai faim. Oi, damn, j'ai faim. Jojo le hamster poète disait les meilleures choses d'une fête. Quand j'ai faim, je bouffe les meilleures choses. 1, 2, 3, 4. Dame, j'ai faim. Dame, j'ai la dame. Oi, dame, j'ai faim.